identité. Renier pour ta fierté. Renier pour tes idées. Renier pour ta fierté. Tu leur as dit d'être fier d'être blanc, de ne pas mélanger notre sang, que tu serais prêt à tuer pour retrouver la liberté. Renier pour tes idées. Renier pour ta fierté. Renier pour tes idées. Renier pour ta fierté. Tout le monde a...